tu as marqué, j'ai pas le choix. Je regarde ton jet depuis Tarifa. J'ai envie d'aller faire un tour au 5-5-5. Prendre le 18 en fréchant avec la Guardia. Dans tous les cas, Ndoula, je suis sorti. Je pensais que j'allais taper les d'accord ou pas. Mais bon, bref, là je vais profiter. Se mettre à la Bamix Party, c'est la priorité. J'explique à l'Ocean Club, ensuite enchaîne chez Olivia. On change de ville, c'est la course sur l'autovia. 2-3 topo, je rigole comme ça, tu papa. En septembre, faudra qu'on aille faire une avec Nardi, on fait la brinque. C'est nous qu'on ambiance, tout French Girola. J'attends la visite, mes collègues du 9-3. J'ai la villa XL comme Griselda. D'été, je suis bloqué, y'a pas de plaid, mais je suis sur la côte. Y'a pas de blême, t'as du soleil et des nanas. Aucun videur peut me dire nanana. D'été, je suis bloqué, y'a pas de plaid, mais je suis sur la côte. Y'a pas de blême, t'as du soleil et des nanas. Aucun videur peut me dire nanana. Ok, bonne hostie, ah, je suis déjà sous Belgi, ah, je fais le touriste dans les jolies rues de Malaga. T'as pas à dire, elles aiment la liqueur de Moro. Donc, on a toujours les masques, quoi, pas. Tu chies la honte, viens pas à notre table. On est des gens respectables comme des notables. Toute l'année sous le soleil, pourquoi faire bronzette? Ce qui manque à Paris, c'est le réveil complète. Chaud chez Ringuito, grillade de poisson. Virgin Mojito, j'ai arrêté la poisson. Robé XL qui sort le Black XL. Je regarde sa cambro et je claque ses petites fesses. Je misais, je bloquais, je dois stoppionner. Je pense au PNF et pense à faire des folies. Je suis avec ma clique, ils sont sous cocktail. Après notre passage, j'enlève une étoile à ton hôtel. C'est un jaloux, va peiner. Je passe autant, y'a pas bloqué, fais se peigner. Fête de temps, passe toujours peigné. Je vais les bijoux du roi, non pas régner. J'ai la fièvre, on est samedi soir, y'a Hmida qui mixe, c'est parti pour de sales histoires. Comme d'hab, je vais finir dans un after. Quand je vais me lever, je vais avoir du mal à y croire. Cet été, je suis bloqué, y'a pas de plaid, mais je suis sur la côte. Y'a pas de blême, t'as du soleil et des nanas. Aucun videur peut me dire nanana. Cet été, je suis bloqué. Y'a pas de plaid, mais je suis sur la côte. Y'a pas de plaid, t'as du soleil et des nanas. Aucun videur peut me dire nanana. Allo chérie, je suis à Puerto Banus. Je les frotte, je les pique, je suis comme un cactus. Je suis avec Amé, il frôle l'infarctus. Y'en a des belles et y'en a des plus. Tu m'as trahi, ça ne m'a pas déplu. Je ressens la nature de l'homme, ça dès le début. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Le gérant qui rigole sur ses buts. Les femmes sont osées, les filles ont les jupes prêtes à exploser. Ça débouche les tombées, les michos sont domptés. On fait la guerre des Russes contre des CP dopés. Ouais, je suis coqué, toi t'es cocu. Soit pour toi que ta meuf va faire le bar, le bar choc est remonté. Y'a du monde au balcon, cherche comment la morquer. Car c'est sur y'a carton. Cet été, je suis bloqué, y'a pas de plaid, mais je suis sur la côte. Y'a pas de blême, t'as du soleil et des nanas. Aucun videur peut me dire nanana. Cet été, je suis bloqué, y'a pas de plaid, mais je suis sur la côte.